allez, fais la queue, ta main m'y connaît. Il veut simplement travail dans la dignité. Allume la lumière pour moi, travail déclaré. Comme il voit mon camarade gagne un piston, ça t'y prend à moi pour un papillon. Il a gagné travail avec piston. Son bac canal a servi de relation. Astéa n'y fait dans Alex son camion. S'il faut ma pâte débarque un cousson. Il a gagné travail avec piston. Cochon lavé monte la pression. Sauf comment m'a trouvé une solution. Au moins mettre de l'huile sur le piston. La ville est belle, la ville est jolie, t'es mon Caprine. Niveau de yasté, des trois bisous pour me dans ton cou. Malheureusement, moi la faille, qu'est-ce que tu passes travail. Mais n'est tête cochon, la prise position. L'été pour moi, mais l'île la passe devant moi. Maladie à l'île, 15 ou il appelle demain. Casse pas la tête, fais encore ton petit vedette. Ton gros tête cochon, il donne à moi un frisson. Il a gagné travail avec piston. Son bacchanal a servi de relation. Astéa n'y fait dans Alex son camion. S'il faut ma pâte débarque un cousson. Il a gagné travail avec piston. Peut-être que je l'avais monte la pression. Sauf comment m'a trouvé une solution. Au moins mettre de l'huile sur le piston. Sauf comment m'a trouvé.